qui tourne, bah ouais. Quand on m'arrive dans le club, toutes les gals sont en fric, je kiffe ça. Elles viennent du Maghreb, des Antilles ou d'Afrique. Y'a même des latinas, chanter jusqu'au matin, car je suis d'humeur matinale. Ça s'ambiance sur la piste, ouais. Mais je fais que mon boulot d'artiste, ouais. Les mecs de test font la mala des malas. Ils portent du Hermès, Louis Vuitton, Balenciaga. Pour gérer les nanas, ils ont sorti les grands moyens. Vous niquez comme un mec des framoises. Les mecs sont nos stress, progresse tranquillement vers celle qui a de grosses fesses. Oh yes, validement de 50 jours, grosse caisse. Vas-y à la cool en freestyle. Moi je veux voir mon avenir dans son boule de cristal. Il me faut un Doliprane. Il me faut un Doliprane car j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des babes où j'échappe, des assiettes dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des renois, j'échappe, des robeux dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. C'est vrai qu'il y a tout ce que je kiffe. Des boules, des chiches, on niki. Elles ont ce charme que d'autres n'ont pas. Ouais, ce genre de corps qui ne se maîtrise pas. Tu m'attires, t'es charmant. Tu me veux, sois patient. Chérie, ce soir tu ne seras pas la seule. Car d'autres missiles sont dans mon viseur. Et y'a des bastos à droite, et y'a des bastos à gauche. J'ai grave envie de faire des balles, mais y'a l'autre qui s'accroche. Moi je voudrais qu'elle comprenne. J'ai besoin d'oxygène. Tchatché de haut, trois go. Babe, je ne serai pas. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des babes où j'échappe, des assiettes dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des renois, j'échappe, des robeux dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. C'était trop lourd, je me rappelle de cette miss. Qui est la plus fraîche, je ne saurais pas le dire ça. Peut-être que c'était Linda, Binta ou Cynthia. Mais non, c'était Charlène, Christelle ou Ludivine. Mais n'oublie pas, Claire, Kenza et Stéphanie. Je préférais Johanna, ouais, et ses amis. Sophie, Estelle, Marie, Gaëlle, Audrey, Suzanne, Ashley. Mais j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des babes où j'échappe, des assiettes dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des renois, j'échappe, des robeux dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des bateaux où j'échappe, des assiettes dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Y'a des renois, j'échappe, des robeux dans la foule. J'ai la tête qui tourne, et j'ai la tête qui tourne.